Donc le Direct Live from the Elsass qui aujourd'hui sera spécialement consacré à de la folk. Alors je salue Itmuri qui est déjà sur le chat, sur le fil de discussion. C'est bien, pour une fois je suis pas tout seul au début de mon émission. Et c'est bien que les auditeurs se connectent sur le chat pour un petit peu réagir, pour discuter et surtout pour que l'émission soit effectivement interactive. Sinon à quoi ça sert d'animer en direct? Alors la rubrique triturer, mélanger, servir, pas de nouveautés cette semaine. Manque de temps parce qu'il y a des malades à remplacer au boulot. Donc, il reste quand même les anciens remixes. Donc, entre autres, ce qu'on entend derrière en fond sonore, c'est le blues du vinyle, qui est un petit peu dans, qui pourrait être dans la couleur d'ailleurs de ce qu'on va écouter aujourd'hui au niveau musical. Et ce blues du vinyle, en fait, est un remix de Acid New Year qui nous a été proposé par Dodécaèdre. Je vous laisse donc en compagnie de ce remix. Et donc c'est la suite du Direct Live from the Elsass, toujours donc sur Radio Dogmazic, animé en direct. Et là on vient de passer quelque chose qui a été un peu occulté par la Saint-Valentin. On va un petit peu passer là-dessus, sur cette Saint-Valentin ça sert à faire du fric. Mais il y a aussi eu le Vendredi 13 avec bien sûr tous les trucs là qu'on veut nous faire gratter, qu'on veut nous faire... Voilà qu'il y a Itmuri qui me fait remarquer que le remix manque de break et de distorsion, oui. Voilà Steph Bach qui se connecte sur le chat, sur le fil de discussion. Je salue Steph Bach. Et ce vendredi 13, on voulait nous faire jouer. Alors, quel a été le plus grand gagnant du loto? Évidemment, ceux qui l'ont organisé. Je ne dirai pas le nom de la société, on va pas leur faire en plus de la publicité. Et il est question de jeu dans ce premier morceau de musique par Dutagel. Il s'agit de « Faites vos jeux » qu'il avait composé le 26 octobre 1996. Et où est-ce que je vais essayer de trouver sur sa page le commentaire. Donc c'est son expérience de croupier, je lis en fait son propre commentaire, lui a inspiré cette chanson sur le danger du jeu et la dépendance qui en découle.

Et c'était du Tagel. Ah ben, je viens de me rendre compte que j'ai le micro encore ouvert. Heureusement que je n'ai pas fait de bruits incongrus entre-temps. Et je remercie déjà. Petit réglage. Voilà. Oui, un petit problème de balance. Enfin, hop là. 1, 2, là, voilà, c'est au milieu. Je remercie d'ailleurs aussi Itmuri qui a conseillé une suggestion que je fais aussi pour les auditeurs, c'est Homeland, H-O-M-E-L-A-N-D, qui est sur le site de Dogmazic. Donc, vous utilisez la recherche. Et Steph Bach qui a dit que ça aurait pu être marrant, les bruits incongrus. Oui, enfin bon. C'est pas trop ma façon de faire. Bon, je précise que Steph Bach est animateur sur Make Face Radio, qu'il fait l'émission comme un lundi, initial CUL, et qu'il a notamment l'habitude sur Make Face Radio de faire aussi un bêtisier avec toutes les bêtises de Make Face Radio. Alors, peut-être y aurait-il aussi du bêtisier de mon émission sans que je le sache, que j'ai loupé, on ne sait jamais. Sur la page d'accueil, dans les derniers inscrits, oui, mais enfin, il sera peut-être pas forcément longtemps dans la page d'accueil, parce que l'émission est aussi téléchargée, et puis pas qu'un petit peu, notamment par le réseau peer-to-peer, grâce à Views, et puis également sur Emule, l'émission circule pas mal. Hein, déjà 10 exemplaires qui sont sortis directement de chez moi, de l'émission de samedi dernier. De samedi, donc de la semaine dernière, d'il y a 8 jours. D'ailleurs, je remercie aussi tous ceux qui téléchargent cette émission par ce biais, et c'est donc tout à fait autorisé. Donc, la suite du programme, il s'agit de No More Sky, composé par James Mueller, qui m'a demandé si je pouvais passer des morceaux de son album. Alors, c'est du All Rights Reserved, tout droit réservé tel que c'est inscrit. Mais enfin, il est entièrement l'auteur, il est autoproduit, donc j'ai son autorisation et il est au courant que l'émission est téléchargée, y compris sur les peer-to-peer. Donc, il n'y a pas de lézard avec ça. Et c'est quelqu'un qui finalement vient tout juste de découvrir l'existence de ces licences Creative Commons. Alors peut-être va-t-il publier sa musique sous cette forme. Il a déjà mis aussi pas mal de morceaux sur, je ne sais plus comment s'appelle le site où il y a du téléchargement. C'est pas Legal Torrents. Archive.org, voilà, archive.org, d'où j'avais déjà extrait et qui m'a permis, avec quelques difficultés certes, mais de le retrouver, où j'avais trouvé en fait un morceau de lui qui s'appelait Billy the Rabbit Boy. Alors, No More Sky, on est dans la folk, mais dans la folk pop rock. Donc, c'est de l'album This Car Available, qui est available, donc disponible aussi sur l'iTunes Music Store et puis aussi sur Ding Dong Daddyland's Records. C'est une autorisation qui a été donnée de façon d'ailleurs très enthousiaste. D'ailleurs, je le comprends, à mon avis, il ne doit pas passer souvent à la radio parce qu'il n'est pas dans le format, ou alors il est dans un format déjà fait par les majors. Ça doit être pour ça. Thank you. stranger with the laser eyes, the stranger who is full of spies, the stranger with the toxic hand shakes the trees of his unknown land. When there's no more sky, there's no more sky. When there's no more sky, no more sky. Your glance darkens the doorstep of all your glance. It cuts down big and small. Your glance is full of sharpened spades, a contract signed for unknown ways. When there's no more sky, there's no more sky. When there's no more sky, no more sky. Your stare tears down the mountain wall. Your stare is death to the precious wild. Your stare is filled with poison rain and endless bond of unspeakable shame. When there's no more sky, there's no more sky. When there's no more sky, no more sky. Donc à l'instant, à Steve Buck qui me parle d'un MP, oui, je ne sais, qui a fait suivre à Fig, je ne sais même plus de ce qu'il y avait dans le message personnel. Oui, donc, ah oui, donc Steve Buck qui nous parle en fait des horaires. Oui, l'émission habituellement se passe le samedi et il se trouve que Fig Chap annonce souvent l'émission. Qui va suivre sur Dogmazic quand son émission est relayée. Donc c'était juste pour qu'il sache qu'il n'y avait pas d'émission juste après. Non, cette fois-ci, c'est, on émet le dimanche et ça précède. Donc tout à l'heure sur Radio Dogmazic, il va également y avoir donc, le relais des deux émissions de Makeface Radio, c'est-à-dire le Fick & Mix et Silence Sonore. À l'instant, oui, donc il s'agissait de No More Sky du groupe White Wolf Sonic Princess. Ce groupe est en fait l'émanation d'une troupe de théâtre amateur qui est constituée en association. Et comme ils ont besoin de musique parfois dans leurs pièces, ça fait qu'il y a un groupe. Et ce groupe, ils font des disques, ils s'autoproduisent du coup à côté. C'était donc juste une petite précision comme ça. On revient à ce programme spécial folk, enfin j'ai pris folk au sens très large, là voici du PELF ou du PELF, le PELF non pas du fric, j'ai noté tout à l'heure sur la page de Wikipédia consacrée au Volapük, qu'en changeant une lettre à leur exemple, ça donnait le mot Pokémon, qui dans ce cas voudrait dire de l'argent à la poche, on se demande de l'argent à la poche de qui ? Ça, c'était juste une petite parenthèse comme ça, ça m'a bien fait rigoler. Donc, PELF, avec une rafale, un tir par trois, je vais vous envoyer ça à la mitraillette de l'album Tendre Résurgence. Deux titres, Mignonne, allons voir, sur un texte de Pierre de Ronsard. Si tu prends ma main, qui lui a été, où là il n'a pas fait que la musique mais aussi les paroles. Et donc ça nous date pour l'un de mars 2007, l'autre de novembre 2007. Et puis après, enfin, de l'album Au creux du cyberespace ou cyberespace, je ne sais pas comment le prononcer. Je ne sais jamais s'il faut le dire en français ou en anglais quand on parle de franglais. Si quelqu'un a quelque chose à me suggérer pour design, marketing et trader, pour employer des mots entièrement français, je suis preneur, je ne connais pas l'équivalent. Ah ben même quatre titres, j'avais oublié. Non, trois titres, oui. Je suis en train de me mélanger, si je louche en lisant ma page, ça ne va plus. Donc la complainte du prédateur, qui sera le troisième titre. Tout ceci est comme à son habitude et en fonction, c'est par conviction d'ailleurs, sous licence art libre. Donc sans plus attendre, voilà un titre, un tic de langage. Sans plus attendre, j'ai repéré aussi. Je disais déjà beaucoup « voilà », mais je dis aussi « sans plus attendre ». Alors, il faudra que je varie un petit peu mes formules. PELF, mignonne, allons voir, si tu prends ma main, la complainte du prédateur. Mignonne, allons voir, si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. À point perdu cette vêpre, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Ta. s'échappe si je prends ta main. Attends de voir, elle dérape un corset caressé ou des cheveux mouillés. Si nos deux mains sages, les autres font massage. Si tu prends ma main, attends que l'autre ne s'échappe. Si je prends ta main, attends de voir, elle dérape. À queue de jeu, de deux mains qui volent et frôlent. Chamaille l'autre avec ou sans deux mains. Si tu prends ma main, attends que l'autre ne s'échappe. Si je prends ta main, attends de voir, elle dérape. Et attends, tu n'as pas tout vu, ferme pour cela les yeux. Un doigt s'égare à ton insu pour un frisson digne des dieux. Si tu prends ma main, attends que l'autre ne s'échappe. Si je prends ta main, attends de voir, elle dérape. Si tu prends ma main, attends, l'autre s'échappe. Si je prends ta main, c'est pour qu'elle dérape. Sonne ton alarme, mes vaisseaux sont de matière noire. Si tu vois le reflet, c'est qu'il est trop tard. Je suis un prédateur, un Nike killer, caché dans tes frayeurs, je te suis et peur. Je suis un prédateur, un Nike killer, je te vois endormi, alors hurle et fuis. Sur ma planète, je repère mes conquêtes, j'y réfléchis tout au long de mes nuits. Sur ta planète, je prépare ta défaite, j'y réfléchis le long de mes insomnies. Je suis un prédateur, un Nike killer, caché dans tes frayeurs, je te suis et peur. Je suis un prédateur, un Nike killer. Donc à l'instant c'était Pelf avec dans l'ordre Mignonne, allons voir, Si tu prends ma main, les deux chansons de l'album Tendre résurgence, et ensuite La complainte du prédateur de l'album Au creux du cyberespace, le tout sous licence art libre. Et on était dans une folk à la Brassens, un petit peu, quelque part. Bon, je prends folk dans un sens très large, hein, c'est surtout pour regrouper un petit peu et ne pas faire des enchaînements du genre, on fait passer du David Guetta, puis ensuite, juste après, du Tino Rossi. Voilà à peu près le genre de choses peut-être à éviter quand même. Hein. Même si les contrastes, c'est bien, faut pas exagérer non plus. Donc, tous les morceaux un petit peu comme ça, folk ou chansons acoustiques, que je mets un petit peu sous cette étiquette, mais à ne pas prendre trop au pied de la lettre. Et nous allons continuer avec Pied de Nez. pied de nez, lis un site web, je ne sais plus ce qu'il y a dessus. On va voir, il est sur Javanzouille, je vois. Pied de nez, qui propose différents albums. Mais là, il s'agit, ce qu'on va prendre, c'est l'album Somnobuleux. Il y a un truc qui s'appelle Sphère Libre, de quoi il s'agissait. Je vais relire un peu ce qu'il dit. Puisque tous les contenus de ce site sont sous licence Creative Commons by NCSA, donc on a le droit. Donc, pied de nez est entré par hasard dans le système de libre distribution de la musique. Ce mode de diffusion inspiré du monde, du logiciel libre, permet à la fois aux artistes d'avoir une vraie visibilité, le vilain mot, sur le web, eux qui en grande majorité n'ont pas encore ou n'ont pas souhaité attirer vers leur musique les majors ou labels. Pour l'internaute, c'est l'accès à la musique où très vite qu'on a envie de prouver. Il s'agit surtout d'aller contre le système mis en place d'un côté par les majors, de l'autre côté par les sociétés de gestion de droits, spoliant bien souvent les artistes de leurs œuvres pour des raisons financières, formatant le son et vidant les œuvres de leur sens. Au moins, une chose est claire, c'est qu'il ne va pas s'inscrire à la SACEM, lui. Donc la licence va rester valable pour un bon bout de temps. Donc, pied de nez nous chante quoi somnambulisme de l'album Somnobuleux sous licence Creative Commons by NC 2.0. C'est un artiste également qui a sa page sur Dogmazic, et ce morceau il est en ligne depuis à peu près depuis 5 mois, voilà. Et j'ai encore redit voilà, évidemment ça me poursuit. Je vais essayer de ne pas le redire, mais ça va être dur, hein. Thank you. un petit peu de guitare, un instrumental de temps à autre, un instrumental acoustique, ça fait pas de mal. C'était Somnambulisme par par Pied de Nez de l'album Somnobuleux. Et ce qui va venir là maintenant par Miguelito Contraband, c'est alors il y a des paroles. Il y a une musique, mais c'est pas vraiment une chanson. C'est pas bon, même si c'est vraiment sur un album, Caveat Empty, sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Ça ne vient pas de Dogmazic, mais ça vient de LegalTorrents.com. Alors, je n'ai plus. Je l'avais retrouvé. J'avais perdu un lien que j'avais perdu, mais que j'ai retrouvé entre-temps. Donc il y a j'ai trois liens de téléchargement même. Pour ceux qui téléchargent ça par le peer-to-peer, vous aurez au moins l'embarras du choix. Alors c'est pas vraiment une chanson, ça s'appelle Not a Song. This is not a song, this is not a song, this is not a song, this is not a song, this is not a song, not a song. Saying this is not a song, this is not a song, this is not a song, this is not a song, this is not a song. Ah ben ça, je vous avais prévenu, hein, c'était pas vraiment une chanson par Miguelito Contraband. Et là d'ailleurs, encore Miguelito Contraband, je peux vous dire que ça va vraiment pas être long. Ça vient de l'album Caveat Empty. Il y a des paroles, il y a de la musique, c'est donc une chanson cette fois-ci, mais c'est pas long du tout, ça s'appelle Won't Be Long. This is just a song and it won't be long, it won't be long, no, no. Et pareil, j'ai trois liens de téléchargement si vous avez une page HTML et que vous avez téléchargé ça par le peer-to-peer. Je vais tenter de mettre aussi pour ceux qui écoutent en direct ou qui téléchargent l'émission, mais en moins bonne qualité audio quand même, depuis Dogmazic. Je vais essayer comme de vous les placer sur le forum tout à l'heure. Donc on passe après à Acoustic Freak qui s'est désinscrit et réinscrit sous Acoustic Freak 2. J'ai vérifié, hein, les liens de téléchargement que j'avais fonctionnent encore. Est-ce que c'est la chanson de trop, je m'étais demandé, mais bon, ça s'appelle 10 000 de trop. Donc là, ça ferait peut-être beaucoup, il n'y en avait pas autant d'inscrites. Acoustic Freak qui utilise une licence non commerciale C-Réaction. C'était du mois dernier. 10 000 de trop, donc. Acoustic Freak, je vais tenter de trouver sa page sur le site, hein, pour avoir plus de précision. Je me retrouve avec une fenêtre supplémentaire, alors que j'en ai déjà beaucoup ouvertes. Acoustic Freak 2, savoir est-ce qu'il dit quelque chose de lui. La page met des plombes à charger, juste quand il fallait pas. Oui, c'est bien ce que je voulais éviter de dire une bêtise. Oui, c'est bien un Canadien de Montréal, un Québécois. Le 10 000 de trop n'est plus sur le site, mais tant pis, je vous la fais passer quand même. Au moins, vous pourrez écouter une chanson au cas où vous l'auriez loupée. Ça fait 10 000 matins que c'est toujours la même histoire. Come on, 10 000 matins à boire du café noir. côté pour mieux se faire exploiter. De courir de tous les morts, tous les côtés, sans trop se questionner. 10 000 matins à suivre le troupeau. Chercher le vent en espérant qu'après la pluie vienne le beau temps, en espérant qu'après la pluie vienne le beau temps. 10 000 matins, que c'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. 10 000 matins. De courir de tous les bords, tous les côtés, sans trop se questionner. 10 000 matins à suivre le troupeau. Ou sinon 999,4. 10 000 matins de trop pour Acoustic Freak, devenu Acoustic Freak 2. Donc c'est bien qu'il y ait les Québécois qui viennent aussi un peu chez nous, parce qu'on entend toujours aussi les mêmes Québécois à la radio, alors qu'ils sont nombreux à faire, à chanter, et qu'ils ont un français qui est tout à fait exotique, mais agréable. On change de langue là tout de suite. Ce n'est plus du français, ce n'est plus le même accent, c'est du suédois. Alors on a, j'ai deux morceaux. Il y a Baradumhet, j'ai une très mauvaise prononciation, et Ihag. Il s'agit, pour ceux qui connaissent déjà, vous l'aurez reconnu, d'Elgarma, groupe qui est d'ailleurs sur la sélection musicale du site Dogmazic. Donc que l'équipe a retenu. Donc Delgarma, donc avec alors Ihag, je ne sais plus ce que ça veut dire, de quoi ça parle. J'avais regardé vaguement les paroles. Baradumhet, ça veut dire assez de sottises, assez de bêtises. Autrement dit, on pourrait presque traduire ça par arrête les conneries, quoi. Alors pendant que le site internet de Baradumhet se charge. Somrights Delgarma, ils mettent la licence dessus. Les chansons, ça doit être par ici. Les chansons, Baradumhet, Ihag. Ihag, ah, il y a les paroles. Ihag, qu'est-ce qu'il dit Non, je comprends pas. Donc ça aura pas servi à grand chose. Ce bain du suédois, ça nous change, hein, toujours quand on entend chanter en langue étrangère. En fait, la plupart du temps, c'est de l'anglais, parfois, rarement, bon, de l'espagnol ou de l'italien. Le suédois, on ne l'entend pas très souvent sur les ondes. Alors, petite compensation tout de suite avec Delgarma sous licence, la licence Creative Commons by SA. Visto, Signor, vos extón de vos. Ding dong. Thank you.